فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الخامسة أو الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى آية النور عقب الأمر بغض البصر فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآيات إلى أن قال رحمه الله: فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. السادس أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل والسنة. قال رحمه الله: السادس أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني رحمه الله تعالى يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم أي المحرمات وكفى نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. السابع أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. الثامن أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها دون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب إلى أن قال: فإن القلب أحاطت به النيران بكل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك. إلى أن قال العاشر: أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر. إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبصارنا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، chers frères, sachez que la vue est la porte grand ouverte vers le cœur, et c'est sa porte la plus grande, la plus vaste et la plus large, celle qui mène directement au cœur. Ainsi, celui qui préserve sa vue aura en effet préservé son cœur. Et celui qui ne fait pas attention à ce qu'il regarde, comme halal et comme haram, il n'aura pas préservé son cœur. Car certes, le coup d'œil est telle une flèche envoyée par le diable Celui donc qui ne préserve pas sa vue aura rempli ses feuillets qu'il aura à regarder et devant lesquels il sera témoin yom al-qiyama lorsqu'elles lui seront présentées. Elles seront remplies de péchés, iyadan billah. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans le Coran aux croyants et aux croyantes de baisser une partie de leur regard, c'est-à-dire de ne pas regarder le haram, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie intime, cela est plus pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font, c'est-à-dire s'ils regardent le haram, Allah tabaraka wa ta'ala les voit, les observe, ils seront jugés en conséquence. Et dit aux croyantes de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime jusqu'à la fin du verset. Et cette recommandation a d'autant plus d'importance à notre époque où on trouve dehors les gens nudité, particulièrement à cette période, lorsqu'il fait chaud et qu'ils oublient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le maître des mondes, les voit et qu'ils seront amenés et appelés à comparaître yom al-qiyama. Les gens se dénudent et ne font pas preuve de pudeur. Ils oublient qu'ils sont observés, qu'ils sont surveillés et qu'ils seront ramenés vers Allah Azza wa Jal pour être jugés. Nous sommes à l'époque, nous sommes dans une époque où les gens ont tous ou presque chez eux internet et où en un clic ils font le tour du monde et ils regardent le halal et le haram. Nous sommes à une époque où les gens ont des téléphones qu'ils appellent doués d'intelligence. Et tous ces téléphones-là, illa man rahimahullah, sauf ceux à qui Allah accorde des miséricordes, contiennent beaucoup de mots et d'images interdites. Aussi, sachez, chers frères, que parmi les causes qui aident à préserver son regard et à baisser son regard dans la rue et en privé chez soi, il y a le fait d'étudier cela et de revenir aux gens de science. Et parmi ceux qui ont rempli cette mission, c'est-à-dire énoncer les causes qui amènent à baisser le regard, en mentionnant le mérite qu'il y a à le faire, et en mentionnant les fruits qu'il y a à baisser son regard, il y a le grand savant Mohammed ibn Abi Bakr, plus connu sous le nom d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dans son livre Ad-Da'wa Ad-Dawa, La maladie et les remèdes. Il nous mentionne 10 points qui nous poussent à baisser les regards. Celui qui baisse son regard gagnera ces 10 choses, entre autres. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, premièrement, baisser le regard permet de se conformer aux ordres d'Allah, ce qui constitue l'essence même du bonheur de l'homme. Rien n'est plus bénéfique aux serviteurs dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà, que de se conformer aux ordres de son Seigneur. Aussi, personne n'atteint le bonheur dans ce monde ni dans l'au-delà, si ce n'est en se conformant, et personne, si ce n'est en s'y conformant, et personne n'est touché d'un malheur, si ce n'est après les avoir négligés. Si tu baisses ton regard devant le haram, tu te seras soumis à Allah Azza wa Jal, et tout ton bonheur dans ce bas monde et l'au-delà est rattaché à la soumission devant les ordres d'Allah. Deuxièmement, baisser le regard empêche cette flèche empoisonnée, c'est-à-dire le regard illicite, d'atteindre le cœur. Baisser le regard empêche cette flèche empoisonnée d'atteindre le cœur, ce qui le conduirait sans doute à sa perte. Celui qui ne baisse pas le regard lorsqu'il voit une personne nue ou dénudée dans la rue, il recevra une flèche empoisonnée de la part de son ennemi déclaré, c'est-à-dire un shaytan. Par cette flèche-là, il lui causera la maladie, si ce n'est la mort de son cœur, qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, baisser le regard permet de ressentir un moment privé, une intimité avec Allah, et d'amener le cœur à se consacrer entièrement à lui. Si tu baisses ton regard devant les passions, devant ces choses illicites, Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera le privilège de ressentir qu'il est proche de toi, de te permettre de l'évoquer, de le mentionner, d'augmenter ta foi et de ressentir ce délice. Baisser le regard permet de ressentir une intimité avec Allah et d'amener le cœur à se consacrer entièrement à lui. C'est-à-dire que tu ne seras pas distrait par les choses de ce bas monde, licite ou illicite. Par opposition, poser son regard sur l'illicite disperse l'attention du cœur et distrait et éloigne d'Allah celui qui regarde le haram, qui va sur internet, sur YouTube ou autre et qui clique et passe d'une fenêtre à une autre. Il sera distrait d'Allah. il oubliera son Seigneur, il oubliera de faire ce qu'Allah lui a commandé. Par opposition, poser son regard sur le haram disperse l'attention du cœur, le distrait, l'éloigne d'Allah. Et rien n'est plus nuisible, et rien n'est plus nuisible à l'homme que de regarder tout ce qui peut être interdit, dans la mesure où cela provoque chez l'homme un comportement désinvolte envers son Seigneur. Quatrièmement, baisser le regard renforce le cœur et lui procure une grande joie. Si tu baisses le regard devant une chose qui t'attire, si tu baisses le regard devant la passion, si tu baisses le regard devant le haram, Allah subhanahu wa ta'ala va renforcer ton cœur. Plus tu baisseras le regard devant l'illicite, plus tu seras fort de par cette foi qui habitera ton cœur et se répercutera sur ta langue et tes membres. Aussi Allah azza wa jal va te remplacer ce que tu as délaissé comme regard illicite par le délice du cœur, par le délice de la foi. À l'inverse, le cœur de l'homme s'affaiblit et s'attriste lorsque celui-ci ne contrôle pas son regard. S'il regarde tout ce qui est haram sans faire attention à ce que Allah azza wa jal lui a permis, de ce qu'il ne lui a pas permis, son cœur deviendra faible et il n'arrivera plus à patienter devant les passions. Il n'arrivera plus à se retenir devant le haram et il deviendra un pantin du shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Cinquièmement, baisser le regard illumine le cœur. Illumine le cœur qui au contraire s'assombrit lorsqu'on le porte sur l'illicite. Celui qui baisse son regard, Allah Azza wa Jal va lui mettre une lumière. Il va le guider, il va le préserver, il va lui permettre de distinguer le bien du mal. Au contraire, s'il regarde le haram, son cœur deviendra sombre. Il deviendra noir. C'est pour cette raison qu'Allah a révélé le verset de la lumière à la suite du verset sur le regard, c'est-à-dire dans Sourate An-Nur. Allah a dit, dans la traduction des sens de ce verset, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe. Ensuite, il en a donné les fruits, c'est-à-dire quel sera le bien escompté pour ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont obtenir. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle il y a un flambeau, c'est-à-dire semblable à sa lumière dans le cœur du croyant qui a accompli ses obligations et s'est éloigné de ses interdictions. Et lorsque le cœur s'illumine, il accepte une multitude de bonnes œuvres venant de toutes parts. Au contraire, lorsqu'il s'assombrit, il laisse place à un déluge de calamités qui l'atteint de tous côtés. Donc, tout ce que l'on peut concevoir de blâmable, d'innovation, d'égarement, de suivi des passions, d'éloignement de la guidée de ce qui conduit au bonheur et d'occupation vers ce qui mène au malheur, tout ceci, la seule lumière qui se trouve dans le cœur peut le dissiper. Mais si cette lumière s'éteint, l'homme se retrouve alors tel l'aveugle qui cherche son chemin dans l'obscurité de la nuit. Sixièmement, baisser le regard donne au visage une expression de sincérité qui permet de distinguer le véridique de l'imposteur, le sincère du menteur. Celui qui baisse son regard devant le haram, Allah va nous guider à distinguer le bien du mal. Al-Karmani rahimahullah ta'ala disait, celui qui affiche son attachement à la sunna et qui s'astreint à un contrôle permanent de sa personne, qui baisse son regard devant le haram, renonce à ses passions et a pour habitude de manger du licite, du halal, alors l'expression de son visage ne le trompe pas. L'expression de son visage ne le trompe pas. C'est-à-dire qu'Allah va le guider à souvent ou presque toujours faire le bon choix. Cinquièmement, baisser le regard, affermir le cœur. Il lui donne courage et force. Celui qui ne baisse pas son regard sera un esclave de ses passions, sera un esclave des choses de ce bas monde. Quant à celui qui baisse son regard, Allah le rend fort. Il le raffermit sur la vérité, lui donne force et courage. Par sa grâce, Allah réunit en lui deux facultés. Le jugement et le discernement d'une part, et la maîtrise de soi d'autre part. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, appelait les gens à se préserver de l'humiliation du regard. C'est-à-dire, celui qui ne baisse pas son regard, Allah azza wa jal l'humiliera. Le huitième point, baisser le regard, interdit au diable l'accès au cœur. Car il pénètre par le cœur, ou bien il pénètre et atteint le cœur par le regard illicite. La porte du cœur est donc le regard. Et Shaitan rentre par ce regard. Si tu baisses le regard, tu préserveras ton cœur d'y habiter ou d'y abriter Shaitan alayhi na'natullah. Par ce cœur, Shaitan entre par ce regard. Shaitan pénétrera le cœur tel l'air pénètre le lieu vide. Le diable lui représentera alors une image et l'embellira à ses yeux. Il en fera même pour lui une idole auprès du cœur, le cœur, auprès de laquelle le cœur se recueille. Puis il le surveille et l'éprouve en embrasant son cœur avec le feu des désirs qu'il alimente par des péchés. Sans ce regard, il ne serait pas tombé dans cette servitude. Sans ce regard, il n'aurait pas été esclave de ses passions. Neuvièmement, baisser le regard libère le cœur, afin qu'il puisse méditer sur ce qui lui est bénéfique et s'y consacrer. Au contraire, regarder l'illicite détourne le cœur, comme si cela s'immisçait entre l'homme et son cœur. Ses pensées le perdent, et il suit ses passions en oubliant le rappel de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction de ce verset, et ne suis pas celui que nous avons rendu insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. C'est-à-dire, ou plutôt ici, le regard illicite est la cause de ces trois mots. L'insouciance, le suivi des passions et ce qui a été mentionné. Pour finir, le dixième point, l'œil et le cœur sont étroitement liés. L'un est occupé par ce qui occupe l'autre. Le cœur n'est pur que par la pureté du regard. Si son regard est pur, alors son cœur le sera. De même, le cœur se corrompt, se salit et se rouille par la corruption du regard, et l'œil par celle du cœur. Donc si l'œil se corrompt, il entraînera le cœur. Il deviendra alors comme une poubelle dans laquelle se mêleront les impuretés, souillures et saletés. Un tel cœur n'est pas en mesure d'acquérir la connaissance d'Allah. Il n'est apte ni à l'aimer, ni à revenir vers lui. Comment ce cœur pourrait-il ressentir une intimité avec son Seigneur et goûter au plaisir de se rapprocher de lui alors qu'il contient tout ce qui est contraire? Et combien de jeunes viennent et disent « Je suis poussé à la tentation. Je sors et je vois des femmes nues et je suis célibataire. » Il lui faut revenir vers Allah. Il lui faut chercher l'aide chez Allah tabaraka wa ta'ala. Ne pas aller dans les endroits où il y a la dépravation. Il lui faut s'éloigner de toutes les causes qui le font faiblir. Il lui faut emprunter le chemin de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, des assises de science et de rappel. Il lui faut s'éloigner des fréquentations des mauvaises personnes. Il lui faut se rappeler le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ceux qui n'ont pas préservé leur vue et qui ont oublié qu'Allah allait les questionner sur ce qu'ils regardaient. Il nous dit dans son livre, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الله عز وجل nous mentionne que يوم القيامة ces gens-là seront appelés à comparaître devant Allah. Et on va amener leur regard à témoigner contre eux, leur vue à témoigner contre eux, leur peau à témoigner contre eux. Et c'est cela qu'ils ont oublié. C'est pour ça qu'ils ont eu cette mauvaise finalité. Ils ont oublié qu'ils vont comparaître devant Allah et que leurs membres vont témoigner contre eux. Parmi les choses qui aident à baisser le regard, rappelle-toi, ô toi le jeune, rappelle-toi que ce bas monde ne durera pas. Rappelle-toi que tout ce qui est sur la terre ne subsistera pas, ne restera pas éternellement. Et tu reviendras vers Allah. Et qu'auprès d'Allah, il y a un paradis vaste comme les cieux et la terre, qu'il a préparé à ceux qui le craignent, même lorsqu'ils sont en privé. Parmi les choses qui aident à baisser le regard, il y a le fait de se marier. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, Ya ma'shar al-shabab, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج. Oh vous les jeunes, le prophète alayhi salat wa salam vous dit, oh vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, ça sera plus proche à ce qui baisse son regard et qu'il préserve sa partie intime. Donc le mariage, le plus tôt possible, est une cause pour baisser le regard et ne pas tomber dans le haram. Parmi les causes, il y a également le fait de faire dua, de demander à Allah de bénir notre vue de demander à Allah Azza wa Jal de nous aider à être reconnaissants pour ce grand bienfait. Il nous faut craindre Allah Azza wa Jal. Certains sont éprouvés et ne baissent pas la vue et ni le regard au point de tomber dans la consommation de films pornographiques, qu'Allah nous en préserve. Ils tombent dans ce péché immonde et ils s'humilient alors qu'Allah Azza wa Jal les voit. Ya Abdallah, ne sais-tu pas que lorsque tu t'adonnes à cette pratique, Allah tabaraka wa ta'ala te voit, tu t'enfermes dans une pièce et tu as peur du coup de vent qui fait bouger la fenêtre, tu as peur de l'enfant qui frappe à la porte, mais ne sais-tu pas que ton Seigneur, celui qui t'a créé, il te voit, il te surveille, et vers lui tu retourneras pour être jugé. Il te faut te repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, et délaisser cela. Le poète a dit, « Na khalaut ad-dahra yawman falatakul khalaut, walakin kul alayya raqibu. » Le poète a dit, si un jour tu te retrouves en privé, ne dis pas je suis seul, mais dis Allah me surveille, mais dis Allah me surveille. Fais donc des efforts pour préserver ta vue, fais donc des efforts pour te préserver du haram. Rappelle-toi qu'Allah va te questionner sur cette vue, rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal va te questionner sur ta vue, rappelle-toi que c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas revenir vers Allah et qu'il va te demander des comptes à ce sujet. Une des plus grandes causes pour préserver ton regard, c'est le fait de savoir qu'Allah te surveille. Et que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le Raqib. C'est celui qui te surveille. Il te surveille avec sa vue. Il te surveille avec son ouïe. Il te surveille de par sa science. Il n'y a rien que tu fasses en privé ni en public sans qu'Allah Azza wa Jal le sache. Tabaraka wa ta'ala. واسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Plusieurs personnes sont éprouvées, elles vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Fanasallallahu tabaraka wa ta'ala al-farrija anhum ajma'in. Il y a certaines personnes qui ont perdu des proches dans leur famille. Nasallallahu yarhamahum ajma'in. Aussi parmi les plus belles œuvres qui vous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, le fait de dépenser pour la construction d'une mosquée. Dépensez donc pour que s'élève cette mosquée. Jazakumullahu khayran, waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.